l'émission, seule émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Joke. Et c'est parti pour une nouvelle soirée, un nouveau Planète Rap avec Joke cette semaine et son album Ateyaba, comment va? Ça va et toi Fred? En pleine forme? Au calme, au calme. Bon, il paraît que hier soir, par contre, c'était pas au calme hier soir. Ça a chauffé hier soir. Ouais. On va dire quand même un mot là-dessus, c'était un showcase que t'as donné à Paris, dans un endroit qui s'appelle Wanderlust, qui est un endroit plutôt sympa en plus. C'est ça, en plein air. Ça, ouais, un peu voilà, cool. Dans le 13e arrondissement de Paris. Et alors moi, j'ai tout, c'est vrai que j'ai suivi un peu la soirée sans y être hier et ce matin. Je voyais des messages en disant émeute, gorge tranchée. Ça a été un peu, ouais, ça a été un Non, mais c'est pas drôle en même temps. Tu te réveilles avec ça, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Non, ils exagéraient un peu. Ah ouais, rassure-nous. Donc, on a été dépassé par les événements, c'est sûr, mais c'est pas allé si loin. Il y a eu quelques problèmes. Et tant mieux. Trop de monde. Tant mieux. Il y avait beaucoup trop de monde en fait. Il y avait beaucoup trop de monde, donc ça bloquait la rue, tout ça. Je crois qu'il y avait entre 7000 et 8000 personnes, je sais pas. Donc c'est plus un problème d'organisation, c'est-à-dire que. Voilà. Ouais, c'est un problème d'organisation. C'est un vrai problème d'organisation, c'est-à-dire qu'ils ont. Ils se sont dit, bon, Joke, ça va être sympa, il y aura un peu de monde, mais. C'est ça, mais peut-être en fait, pas un zénith. On a été dépassé, c'est ça. Peut-être pas un zénith, voire un Bercy qui se réunirait pour, voilà, pour toi. C'est ça, exactement. Et il y a aussi le fait que les trucs de sécurité, c'était un peu compliqué, parce que quand on a commencé à faire le live, c'est un peu parti en couille devant. Il y a des gens qui se faisaient écraser, tout ça, donc on a été obligé d'arrêter, quoi. Bon, moi j'ai lu le communiqué de presse qui a été fait par l'organisateur de la soirée, qui s'excuse d'ailleurs auprès des gens qui ont pu être, alors pas de blessés graves, mais un peu bousculés du moins hier soir, et qui disait que voilà, il fallait pas non plus croire tout ce qui pouvait circuler sur les réseaux sociaux. Ouais, il n'y a pas eu de blessés graves et tant mieux, en même temps, pas eu de gorge tranchée et tant mieux, et pas eu de mort non plus, donc tant mieux, voilà, il n'y a pas eu tout ça, et évidemment tant mieux, et que la prochaine fois que l'organisateur a prévenu qu'il renforcerait un petit peu, en tout cas qu'il organiserait certainement ça un petit peu mieux que ça a pu être fait hier soir. C'est ça, mais en même temps je pense que ça aurait pas pu se passer autrement en fait, parce que c'était imprévisible. Il y avait vraiment trop de monde. Genre la queue était du Wanderlust. Ah, j'ai vu des photos, vous pouvez mater les photos sur le net, c'est vrai que c'est assez hallucinant. Ouais. T'as tout un trottoir qui est rempli, qui fait plusieurs kilomètres où les gens essayent d'attendre pour rentrer. Ouais, bon, en tout cas si vous étiez là-bas hier soir, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que ça s'est quand même bien fini, et si Joke a interrompu le showcase, c'est pas non plus de ta faute, c'est que... Ouais, c'est la police en fait. C'est qu'à un moment, voilà, la police arrive, dit on débranche tout, on arrête, tout le monde rentre à la maison, fini, basta. C'est ça, donc on se fera ça une autre fois. Hein. Et ben une autre fois, surtout que t'as annoncé une date, un concert qui sera bien organisé, le 6 novembre. Très bien organisé. Ça va être du feu. Il va y avoir des feux d'artifice. Les places sont déjà en vente, hein, au passage. Et bah allez-y, c'est le 6 novembre à la Cigale, à Palouper. Dépêchez-vous, parce que tous les concerts qu'il y a eu avant, à chaque fois c'était complet. Les gens étaient un peu frustrés, donc dépêchez-vous. Bon, toujours numéro 1 sur iTunes. Toujours. Ça se passe bien pour Ateyaba. Ça se passe bien. Ça se passe bien pour le Planète Rap. À la Fnac, sur iTunes, continuez. Tiens, hier soir il s'est passé ça dans l'émission. C'est parti, coup d'envoi, passez une bonne soirée, bienvenue, comment ça va Joke? Au calme, comme tous les soirs. Excusez-moi. C'est le champagne. C'est la bulle qui est restée coincée en fait. Ouais. Je vous rappelle que jeudi, il y a une soirée Vénus, donc soirée spéciale fille. C'est ça. Où toutes les filles sont invitées à venir pour assister à l'émission sur Skyrock. Pas de bug dans le plat. Aucun bug. Prêt pour le live? Archi prêt. Team 228, négro. Yeah. Bitch tête dans les toilettes. Vite grosse comme une canette. L'état tout brise la schneck. À chaque paquet de cigarettes. Grosse liasse dans l'armoire. Rien que me fend la proie. Tu peux me juger, mais y'a qu'au succès que je suis condamné. Les poches pleines si je t'aperçois, gros, je suis Gilbert Montagné. Monnaie, chiffre, monnaie, chiffre. Cherche pétasse, silicone et chaque comestible. Monnaie, unique objectif. Voilà, petit mais vraiment très petit aperçu. Hier soir, on est live avec Dossé qui était là. Dossé, c'est ça. Qui t'accompagnait. Ce soir, il y a une équipe réduite, l'équipe de base. Hein, l'équipe de base, il y a SS Bips à ma gauche. Bips toujours là. Bips toujours là. Et Oumardinho à ma droite. Toujours là aussi. Au calme. On peut donc attaquer le Planète Rap. On peut attaquer le Planète Rap. Coup d'envoi avec Vénus. Vénus, c'est parti. Des nouvelles du clip ou pas, Oumar? On sait un peu plus. Dans les jours qui viennent. Ok, dans les jours qui viennent, on a déjà le son et puis on en profite. C'est Vénus maintenant. Joke. Baby. quoi. Laisse tes affaires là. Je t'emmène voir les pyramides. Parce que t'es la plus bonne de mes petites amies. C'est vrai qu'avant t'étais chiante, peut-être un peu méfiante. On devrait peut-être se poser, même si t'es longue à la détente. Ça fouille mon 4S, ça cherche des caresses. Moi je veux faire du sale, je veux faire du bif, je veux faire des affaires. Les femmes viennent de Vénus, les femmes aiment le vrai luxe. Les femmes parlent comme mes ancêtres, les femmes parlent en réduit. Certaines sont des belles mères, certaines sont des belles sœurs. J'apprécie quelques chouins qui gravitent dans mon secteur. Quoi qu'il en soit, je suis entouré que de belles femmes. Amène-moi faire les vitrines sous les néons d'Amsterdam. Baby, baby, baby, non. Baby, baby, baby, baby, baby, non. Baby, baby, baby, baby, baby, non. Baby, baby, baby, baby, baby, non. Baby, baby, baby. Les femmes des beaux quartiers viennent de Vénus. Les petites fleurs du ghetto viennent de Vénus. Les mannequins de chez Dior viennent de Vénus. Quand je viens de faire prendre un aller sans pouvoir Vénus. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, ah. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, ah. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, ah. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus. Si elles en font trop comme des femmes flics, c'est qu'elles ont besoin de la baguette magique. Celle qui crie trop fort comme la maîtresse. Ont besoin d'un prince charmant pour faire passer le stress. J'aime celles qui travaillent leur abdos fessier. Travaille, travaille, à boîte sous métier. Je les aime tellement, j'oublie toute leur prise de tête. Non, je ride sur Vénus, DS sur le siège, en sous-vêtements. On est sur les baby, baby, baby, baby, non. Baby, baby, baby, baby, baby, non. Baby, baby, baby, baby, baby, non. Baby, baby, baby, baby, baby, non. Baby, baby, baby. Les femmes des beaux quartiers viennent de Vénus. Les petites fleurs du ghetto viennent de Vénus. Les mannequins de chez Dior viennent de Vénus. Crois qu'une pierre en un aller sans pouvoir Vénus. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, ah. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, ah. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, ah. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, ah. Avec son album Ateyaba toute la semaine et le morceau qui s'appelle Vénus, c'est ce qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock entre 20h et 21h. Yep, yep, yep. Joe, qu'est-ce que tu es foot? Pas du tout. Est-ce que tu vas suivre la Coupe du Monde? Je sais même pas, franchement je sais pas. On a 8 jours de la Coupe du Monde. Ah ouais, si toi t'es pas foot faire, si j'ai rien à faire, ouais, mais je pense que je vais plus bosser le deuxième album que regarder le foot. T'es pas foot du tout, rien? Avant ouais, j'ai même fait... Quand j'étais petit, les repérages à Montpellier Hero, tout ça, je crois, vers 9 ans. Mais après, j'ai lâché la flèche. Ouais, vraiment rien. Ouais. Oumar, c'est un peu plus foot, hein. Ouais. Ouais. On se connaît, hein. Ouais. Bips? Pas du tout. Genre le match. Basket NBA. Tous, là. C'est dommage parce Miami. Que chaque semaine, maintenant, avec nos invités, comme on a 8 jours de la Coupe du Monde, je fais un petit quiz Coupe du Monde 2014. Et j'allais vous le proposer, mais... On va répondre à aveugle et tout calme. C'est assez simple. Okay. C'est assez simple, Joke. Donc, vous êtes tous les trois, vous affrontez, et je compte les points. Okay. Okay. Ouais, mais... On a déjà le droit. Attention, on sait jamais. Hein. Non, mais attends, par exemple, regarde, très simple. Question, celle-ci, elle est donnée, elle est offerte. Combien de Coupes du Monde a gagné... Une... Disqualifié, j'ai pas fini. Donc déjà, regarde, on a perdu Oumar. Ça va disqualifié pour cette question. Disqualifié. Combien de Coupes du Monde a gagné l'équipe de France? Une. Bips, faut parler, hein. C'est, tu lèves la main. Okay. C'est, une. C'est, on est mort là. Moi je dis une. Eh bah écoute, le point va en effet à Joke puisque c'était en 98 avec un doublé de Zidane et on n'oublie pas non plus c'est le ça. But marqué par Emmanuel Petit. Petit. Qu'on oublie souvent. Bon, sa question pareil, ses questions, ça, on joue à domicile, j'ai envie de te dire, Joke. Ça vaut quand même. Combien de joueurs de Montpellier seront présents en équipe de France pour la Coupe du Monde? Zéro. Un. Non, zéro, Cabella, ils lui ont fait de la main. Ah ouais? Ouais. Alors attention. Non, mais on souffle pas. Donc toi, tu dis zéro. Bips, tu disais un. Joke, t'as sorti le joker, j'ai compris que là, on t'a perdu. C'est en effet zéro. Mais pour l'instant, parce qu'en effet, Cabella, si jamais Ribéry. Pas sûr, hein. Mais pour l'instant, il a le mât. Pour l'instant, c'est Ribéry. Voilà. Mais c'est vrai que jusqu'à. Je crois qu'ils ont jusqu'à 24 heures, hein, il me semble, pour signifier la fin. 24 heures avant le premier match. Avant le premier match, voilà. Donc on verra, on suivra ça. Mais en effet, pour l'instant, c'est zéro. quel est le premier adversaire des Bleus au Brésil? Alors je rappelle, dans la le groupe. Suisse. Dans le groupe, il y a Honduras, Suisse, Équateur. Momo. Quoi? Momo, arrête de souffler, c'est l'Équateur. En plus. C'est l'Équateur, au calme. Donc il y a Honduras, Suisse, Équateur. Dans le groupe E de l'équipe de France. Je crois que c'est la moitié de Suisse, hein. Donc Suisse pour Oumar. Après, je sais pas, vous pouvez vous proposer. Après, j'ai pas vu le planning. Honduras ou Équateur, allez-y, hein, les deux. Équateur, allons-y, hein. Ah, Équateur et. Tu vois, c'est Honduras pour toi, ça, ou Équateur? Allez, comme ça, on en fait un chacun, on est tranquille. Ouais, mais. Honduras? Non, parce que s'il gagne après, comment je fais? Non, mais. Honduras? Honduras. Ok, Honduras. Honduras, bravo, bonne réponse de Joe Canaba. Il l'a influencé. Ah, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait ce que je pouvais. Je sais plus où on en est dans les comptes. Je crois qu'Oumar a un. Je joue plus à votre jeu. Oh, normalement, j'ai deux. Équipe de France, c'était moi. Bon, alors attention, tout va jouer sur celle-ci. Tout va se jouer sur cette question. Parce que je sais plus où on en est dans les calculs. Comme d'hab. Et Momo, tu ne souffres pas, toi? Momo, il est dégoûté parce qu'il y a le nouveau maillot du PSG et le mec, comme chaque année, nous fait le même coup, Momo. Momo, il nous fait le même coup chaque année en disant, ah, le maillot, il est pourri. 15 jours après, tu le vois avec le maillot du PSG. C'est ça. Ah, le footix, je te jure. Bon, alors, attention, la question. Dernière question. Jusqu'à maintenant, quel a été le joueur le plus sélectionné en équipe de France? En activité, là? En activité ou non? Non, qui n'est plus, non, qui est à la retraite. Allez, allez, il est à la retraite. C'est pas Thierry. Le joueur le plus sélectionné, allez chercher dans France 98. Allez, je vous file un coup de main. Deschamps? Non. je dirais bien Thierry Henry. Hein. Donc Thierry Henry? Moi je dis Thierry Henry. Tiens, je vois qu'il y a deux secondes Deschamps. Non, j'avais dit Thierry Henry deux fois avant. Ouais. Ah, Black Rock. Hein. C'est Thuram, mais oui. Mais voilà, bonne réponse de Joke, bravo. Non, mais alors là. Bonne réponse de Joke. Qui remporte ce quiz Coupe du Monde à l'instant? Ah, ça a été compliqué. En effet, Lilian Thuram avec 142 sélections de 1994 à 2008. Au calme. Il a marqué deux buts en match officiel à la Coupe du Monde, c'était en 98. Tout le monde s'en souvient de ce fameux geste de tutu qui nous avait fait super plaisir. Bon, eh ben, ça a été compliqué sur le quiz foot. Oumar, je pensais que t'allais être... Aujourd'hui, c'est pas trop simple. Tu m'as déçu aujourd'hui. Ah, j'ai eu la main. Ah ouais, aujourd'hui, c'est pas terrible. Autant écouter un morceau de l'album, c'est peut-être mieux, non? C'est parti, on va se faire. Qu'est-ce qu'on met? Oye sa papaya. Ah, Oye sa papaya. Qui dit un petit mot sur Oye sa papaya? Oye sa papaya, c'est produit par iClassified. C'est un gars à moi qui est de Montréal. Avec Titan, ton collègue. C'est un featuring avec Titan, mon acolyte. Ton acolyte. Qui est dans les studios. Un morceau assez poli au niveau des gros mots. Et par rapport à Oye sa papaya, c'est plus le film justement, c'est plus peut-être le clin d'œil aussi. Il y avait un morceau avec Stomy, on se souvient tous de ce morceau aussi. Oye sa papaya avec Gynéco. Non, ça peut être un clin d'œil à ça. Mais c'est plus parce que la phase elle est venue quand j'ai rappé que par rapport au morceau ni au film. Ni au film, ni au. Non, c'est ni plus Oye. Okay, c'est Oye sa papaya, c'est tout. Il est sorti comme ça. C'est sorti comme ça. Et ben voilà le résultat maintenant, c'est sur l'album Ateyaba de Joke. Tu vas devenir bête à force de traîner en bas de chez toi. Mamé, on baise aussi les petites, on baise pas des lois. Baise les. Mamé, Joki est au-dessus, Joki est en fire. Oye sa papaya, qui fait ta son survêt, qui fait ta son taille. Aïe, sur la chatte à Zaya. Les bips c'est comme les chemises, je les aime bien taillées. Négro est pas fait pour détailler dans l'escalier. Mulato quiere ver tus tetas puletate. Pharaon, allez, je veux crépuer le nez et pâté. Nigga. Fuck. T'as dit quoi, mon négro? Fuck. L'état veut pas que je le nique, mais je me le permets. Je le baisse. Mon négro, le vrai, ne casse pas tous les bails. Passe par ta chnexite à l'esprit fermé. Mais dites négro, mais négro. Elles sont sous ma dick, elles sont sous MB. Niquez-vous, ratatatata. On est sous cristal, on est sous belle paix. Je la mets à quatre pattes. Le flow est doux comme la chatte à la victoire. Je suis rentré dans ton cul comme en rendant l'histoire. Toi, je suis encore plus fâché que les renois d'Amistad. Nique les talets, viens mastiquer la bite si t'as les doigts à Miss Fight. Bonjour, nouveau roi du game. Les messieurs toujours fourrés dans l'arène. Sors une bonne, tu la captes au bout de 3 semaines. On va pas déroger à la reine. On est des types qui manipulent la neige. Mettent des carottes mais font pas de bonhomme. Pareil que ta go aime quand ça conne. Sur sa glotte et qu'on l'appelle manège. On aime le poulet quand il est mort. On le préfère quand il est pas né. L'argent c'est raison que la raison ignore. Je l'ai compris depuis des années. Vu que je suis petit, je veux m'évader. De cette vie de dépravé. Tous mes adversaires les terrassés. Y'a que mon blé que je veux bien épargner. Pour les mains, pour de lapin. La maîtresse en change là, 5-6 grammes sur les dents. Arrête tout ça, tu n'es qu'un minable. Quand je n'arrive plus à dormir, j'écoute leur merde soporifique. Le rap conscient qui nique sa mère et sa grand-mère, la politique. Des démagos, démagos, plus rien à foutre à part Pétago. Depuis que François Hollande valse, j'en viens presque à préférer Sarko. L'oligarchie régnera tant que l'on sera divisé. Moi je voterai quand le vote blanc sera comptabilisé. Atéaba dans les bacs, ma nègre. Atéaba et ce morceau donc avec Titan qui est là aussi entre 20h et 21h. Tu veux dire un mot sur Titan d'ailleurs qui t'accompagne sur le morceau? Titan, c'est un gars de mon crew, les messieurs. Il vient d'MTP aussi. Peut-être qu'il a un mot à dire sur ce qu'il fait. Il a sorti un projet qui s'appelle Claude Monet l'an dernier. Et c'est vrai que vous avez un collectif, c'est un collectif. Les messieurs, ouais. Les messieurs. Les messieurs, on est. Je sais même pas combien on est dans le collectif, mais il n'y a pas que des rappeurs en fait. D'accord. Il y a des rappeurs, il y a un producteur, Lecty Frey, qui est là, qui a produit Scorpion, qui a produit Pharaon dans l'album, qui a produit PLM, coproduit Blackard aussi. Donc il y a aussi Kiddy Ben, avec qui je fais les artworks des pochettes. Donc ouais, on est plusieurs quoi. Donc c'est un collectif ouais, qui fait aussi bien du c'est visuel que du son, ouais, plein de choses différentes. Comment va? Ça va. Ça va en pleine forme? Ça va, calme. Un petit mot sur ce que tu fais, ce que t'as sorti. Franchement, j'ai sorti un truc, mais ça fait 2 ans. C'est un peu vieux. Mais le reste arrive bientôt. D'accord. Calme. Donc là, c'est. Pour l'instant, c'est Atéaba, faut aller acheter, c'est tout. À suivre Atéaba, donc ça. L'album qui est dans les bacs. C'est ça. Avec Joe, qu'est-ce qu'on mettra dans quelques minutes d'ailleurs, Joe? On va mettre Anubis, produit par Blastar, avec mon négro SS Bips. Encore de la poésie quoi. Ah bon? Des mots gentils en fait. C'est des mots gentils, oui, c'est ça, des mots doux qui glissent. Un bip, ça aussi, t'es pas en retrait de tout ça non plus, tu fais partie de l'équipe, hein, t'assumes tout. Exactement, on assume tout. D'accord. Bon, on écoutera ce morceau dans quelques minutes. Petite question aussi, ça c'est pour vous, pour repartir avec l'album dédicacé de Joke. Allez-y, question simple, question donnée, vous envoyez la réponse avec votre prénom, numéro de téléphone au 41-759 ou alors avec le hashtag Joke sur Skyrock. Atéaba, petit 1. C'est une ville du nord-est du Japon. Ou alors c'est le prénom de Joke, petit 2. 1 ou 2, vous envoyez avec votre prénom, numéro de téléphone 41-759. Je vous disais, c'est donné, vous repartez avec l'album dédicacé Atéaba de Joke et nous on revient après ça, bougez pas. You're listening to Skyrock. comme toi, Joke a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Joke, notre invité entre 20 et 21. On va écouter un morceau dans quelques minutes. Et yes, Anubis. Avec Bips qui est là aussi avec nous. Avec Bips, ouais. Et j'ai posé une question juste avant la pub, à savoir Ateyaba c'est quoi? Petit 1, une ville du nord-est du Japon, ou petit 2, le prénom de Joke et Sarah de Montpellier, tiens. À la bonne réponse, a priori, Sarah, comment ça va? Ça va et vous? Bah écoute, en pleine forme, je te présente Joke. Ça va ou quoi, Sarah? Enchantée. Okay. Vous êtes de la même ville tous les deux? Ouais, Montpellier. Montpellier. T'es doigts à Montpellier. Hein? T'es doigts à Montpellier. L'écusson? Observatoire. Okay. Au calme. L'observatoire, l'écusson. Et Sarah, est-ce que tu as la bonne réponse à la question que j'ai posée? Alors oui, c'était la réponse 2. C'est le prénom de Joke et le prénom de son grand-père. Waouh, ah bah c'est même très précis, bravo. Super précis. Bravo Sarah, tu repars directement avec l'album dédicacé de Joke. Eh bah ça fait plaisir. Tu l'avais déjà ou pas le Ateyaba? Déjà, vérité. Mais je le passerai à mon petit cousin qui supporte aussi. Ah bah voilà, très bien. Donc toi t'as déjà l'album? Ouais. Tu soutiens? C'est lundi. Parfait. C'est plaisir. Tu sais quoi tes morceaux préférés sur l'album, Sarah? Moi c'est Majeur en l'air. Ok. Et Oye sa papaya. Et Oye sa papaya, ah, qu'on a. Gros mot. On a passé il y a quelques minutes. Calmez-vous les mecs dans la salle, calmez-vous. On te fait un bisou Sarah, petite dédicace, petit message à passer. Bah gros bisous, un petit pire représente et bisous. Et bah ça roule. Ils sont tous beaux et ils sont magnifiques et voilà. Et quel temps à Montpellier aujourd'hui Sarah, fais-nous rêver un petit peu. Bah il fait super beau et là il pleut. D'accord, et bah profitez de la pluie un petit peu, ça vous fait du bien aussi. Ciao voilà, Sarah. Voilà. Salut, passe une bonne soirée. Ça c'est les rageux de Paris ça. Ouais, ça c'est vraiment rageux, ouais. Ça c'est vraiment le truc rageux quoi. Dès qu'il pleut un peu dans le sud, genre bien fait. Profitez-en. Aïe aïe aïe. Bon, on écoute du son. C'est parti. C'est si parti. T'as une chatte, t'es mon ami. Et allez, c'est parti. Anubis. Shout out à Blastar. À Richie. Smith, cheer. Yeah. Si t'as une chatte, t'es mon ami. Yeah. Augmente, je suis somme pour mon anif. Bitch, dis-moi ce que tu sais, qu'on s'organise. Avant que le cosmos me neutralise. Y'a que moi et Louis XV qui ont su créer des grands 16. Mais bon, par une quinte, crache dans une française qui sont toutes ses choix. Présente-moi en une, j'avance, tu recules. Négro, c'est sûr que je t'encule. Sommet puis Anubis, hein. J'ai un A sur 10, quelle mouche t'as piqué? T'as le flow du paludisme, t'as le swag du sida. T'as un swag bizarre. Et ta française passera jamais ton visa. Marianne ne cessera jamais la baiser cette sale diva. J'fume pas, j'suis né sous amnésia, sous sativa. Prenant sur ma queue, j'me fais sucer par ton avis. Je restera où on est tant qu'on n'ouvrira pas de livre. Y'a que moi et Louis XV qui ont su créer des grands 16. Plus bon par une carie, crache dans une française. Frappe ça les tankes, or dans les dentes. Le baisse fait pas en l'écu par une œil gigantesque. Les mecs, les mecs. Yeah, ta meuf vaut même pas à Jacques et Michel. J'pense mon temps à tirer des meufs ou tirer des ficelles. Trouve-moi dans la schneck d'une beurette de micelle. Le zen point de coupe, beurette de micelle. En tête de Nice F, avec deux Miss F. Gros clip en 4K, t'es en manque de pixels. Ramène une vixen, la baie jusqu'à 6M. Dérapage en petite BM, j'suis dans le cerveau à Spielberg. J'suis dans les 4 points de t'achat, de la France et de Navarre. J'rappe sud des MC, j'suis Kendrick Lamar. J'suis qu'un petit d'en bas, donc toutes ces petites m'adorent. Négro créa pyramide avant Pythagore. Depuis que j'suis là, les boussoles indiquent le sud. J'suis un fils fucking, t'es un fils de pute. Si t'as une snake, t'es mon ami. Prends la suite, oh. Négro. Je la prends à quatre pattes sous les deux tours. Mal à l'aise, produite par Blasta. Je suis obsédé par la baie. Je pète un indien pour lui. C'est une citrose à 50%. Je me fais bipolariser la guimauve. C'est l'heure de faire une petite pause. Sortez les films roses. C'est comme ça que je vois la vie sous drogue ou sous hypnose. Je me ferai bien un massacre. Je le ferai avec plaisir. Break et le bif dans son sanctuaire. Elle désire. Trop nombreux, trop d'eau à couler sous les ponts. Elles aiment trop jouer de la flûte, trop d'eau à couler sous la jupe. Je vais pas te faire un dessin, faisons-nous un selfie. Tu verras le visage du destin ou son esprit. Je veux les clés de la Bentley, je veux la Bentley aussi. Je vais piloter comme Tavares, ça sent le sosie. Enregistre sur une bande, je te le dis en momie. Peu importe ton mojo, autant t'en passe en chromie. En vrai, je suis blonde, binos, mais ma reine me voit pas. En vrai, je suis français, mais ma reine me croit pas. Yeah, ça fait 10 ans que je te le dis, homie. Demain, c'est nous. Demain, c'est aujourd'hui. Attention, je vais sévir. Je vais te balancer à menhir. Border la volonté et je compte bien me servir. Marianne va descendre sur mon pubis. Ça a nu. Bisous, ça va mal finir. Plus mes cœurs à nu. Si on aurait pété du tennis, on serait la Coupe Davis. Méfie-toi, les sons datés à bas ne sont que les prémices. Yeah, malgré de nombreux services, je crois que Marianne n'aime toujours pas mon pénis. Sans les mains, bitch. Sans les mains, bitch, please. Wow. Hey Robin, nique ta mère. Ah. Yeah. Ce jeune voit la bite, hein. Ça va être dur, hein. Yeah. Bim bim flow ABS, je swag à DSK. J'ai l'épaule qui me gratte, le bras tendu comme un Elka. Check ça, si l'alarme est légère, c'est que l'arme est lourde. Si l'alarme est lourde, négro, c'est que l'arme est légère. Te jure, j'ai pas la bite teinte. Très bien, voir derrière la vie teintée, c'est tout noir, de sang sur le boulevard. Regarde bien, touche pas. Négro, je peux dire d'aller niquer tes mères. Puis le mariage pour tous par un Renoir sournois. Perdra tous les tournois. Je suis le négro de ses rêves, papy, elle en pince pour moi. Je coupe et vent et copicole. Nique sa mère et ton idole. C'est extrait de l'album Ateyaba. Pardon. Ateyaba, faut pas c'est en travers de la gorge. Ateyaba à l'instant, Anubis le morceau. On retrouve Bips d'ailleurs à tes côtés qui est là aussi ce soir. Ouais. Comme depuis le début de semaine, entre 20h et 21h dans Planète Rap. Gros morceau, vu les réactions. T'as vu le nombre de réactions sur ce morceau? Il kiffe, il kiffe. Continuez à nous dire 41759 avec le hashtag Joke sur Skyrock. Allez-y, vous continuez à balancer vos messages pour Joke. On mettra encore un autre titre. Il y aura du live aussi dans quelques minutes. Yes, on va faire, on va revenir un peu à Kyoto. Kyoto. On va faire Scorpion en live. Et après, on va enchaîner avec On est sur les nerfs en live. Très bien, bah bougez pas ça dans un instant. Et juste avant, on est avec Marocco 26 de Valence. Salut, ça va? Ça va bien, Marocco? Ça va et toi, Fred? Bah ouais, tu connais Joke? Ouais, rappeur Montpellier, là. Voilà. Lourd. Mais il est pas qu'à Montpellier, il est dans toute la France aussi, hein, tu sais, Marocco. Ouais. Non, mais lourd, j'aime bien. Eh ben, on va t'écouter toi aussi rapper maintenant, c'est parti, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Ok. Allez, coup d'envoi. Envoie ça, mon pote. Yeah. Oh, fais le M, tu me reconnais. PDK, gros. Pour Joke, on est à Louko. Yeah. Marocco. Ça fait. Yeah. J'abandonne rap plus que dans la vie. C'est mon choix, l'ami. Ma plume, c'est pas nager, c'est noyé. Dans un verre de cheese égaré. Ces rappeurs sont tous décalés. Dans le mic, faut que d'aboyer comme des chiens de flics. Putain, c'est qui escape? MRO, CO, PDK, ma clic. J'écris ta mère sur la paire de Nike au MT. Bande d'imbéciles. Dans le rap, je m'épuise. Mais trop de gens me méprisent. Reconnaissent pas la bêtise. J'ai le flow, la maîtrise. De mon art, la technique. Comme on gagne, nous, c'est oui. J'fais la gif sur le terrain. Marocain est fier de rien à foutre des cours de lettres, parfois je suis perdu. Mais pour que la meuf du GPS m'a bien paqué des ménèmes, j'en ai vu toutes les couleurs. Chacun ses coups, les douleurs, c'est gaffe à toi, poteau. Certains amis ils sont inutiles, comme un gars lourd au téléphone. Et j'ai pas que t'es mon gars sûr qui, quand ça tape, tu décolles. Rap, j'aime, fais le M, c'est ça, j'aime. Fais le M dans le rap, j'aime. Pour Joke, on est à l'ouvrir, de détails, trop, j'aime. Ok, Marocco à l'instant en freestyle du côté. Très chaud, hein. Bien, Marocco, oh, terrible. Merci. Très très chaud. Eh ben, on t'écoute pour les dédicaces. Et ouais, pour le reste. Bah, gros dédicace déjà à tout mon groupe, Black Mafia, BDK Crew, Chris Erwan, Hermano, Adji, Billy Beat, tout le monde. Et vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Marocco 26. Et il faut vite aller voir la vidéo. On s'est inscrit pour le concours de Marine Monster. Ah, pour venir dans Planète Rap. Ouais, voilà, pour venir en live. On a fait le concours, on a vraiment tapé dessus, c'est sur la page. faut aller voir, faut liker, faut faire tourner. Marocco 26, la page. Bah, écoute, bonne promo, bien joué Marocco, t'as raison. Bah, merci à vous. Hein. Et bah, à très vite peut-être alors. Hein. Ouais, j'espère. Ciao mon pote, passe une bonne soirée. Allez, ciao. Ciao, ciao, on est avec Joke dans un instant du live. Et là, juste avant un morceau. New Jack City. New Jack City, on l'a... On se met trop calme. On l'a eu hier, on va le remettre maintenant dans l'émission. Je crois que c'est mon son préféré de l'album. Est-ce que tu nous as dit hier? Ouais, ça a pas changé? Ça change pas. Allez, c'est parti maintenant, New Jack City sur Skyrock. Hey. Hey. Richie Zer. Yeah. La pièce est pleine de pussy niggas. Dites-moi si y'a soucis niggas. Barabim, barabou, usi si ça sonne roussi niggas. Au poignet des montres onéreuses, tout Paname et en veilleuse. Allumée en haut, la petite veut rider. Équipe vodka, je le vois danser. Je rappe comme personne, j'ai des mots à regarder. Renoir écrit comme sur papyrus. La team rock, ça comme les Beatles. Mets de la yeyo dans tes sinus. Pour mes brigands, intelligents. Ride au school en CL6 en Renoir le mojo et si puissant, les haters trouvent ça épuisant. On est à la playa comme la clinique. Yaï yaï, de 2014 à l'infini. Yaï yaï, on vend de la Marie-Dominique ou Marie-Jeanne. Tu sais que le négro n'a pas de limite. Yaï yaï, rien nous sépare. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. C'est pas 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. Si cette pétasse parle mal, je mets une tarte, je m'en bats les yeux. Où on l'ouvre que pour parler dessous. Elle ouvre, je l'attrape par les dessous. Le rap français, je les baisse. Eux tous son coq, si se ressent les secousses. Se touche même pas avec un bâton. Si sur tâche, nectar des repousses. Sur la pelouse, carte de golf. Carte noire et carte gold. Parfum niche pour que ces bitches raffinent et viennent et me parlent de love. Il me faut de lesbiennes comme les tatous. L'argent me fait peur mais je suis prêt à tout pour en gagner. Comme cet enfant qui ferme les yeux parce qu'il a peur du noir. On est à la playa comme la clinique. Yaï yaï, de 2014 à l'infini. Yaï yaï, on vend de la Marie-Dominique ou Marie-Jeanne. Tu sais que le négro n'a pas de limite. Yaï yaï, rien nous sépare. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. C'est pas 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. 1 9 1 9 1 9 1 9. On est à la playa comme la clinique. Yaï yaï, de 2014 à l'infini. Yaï yaï, on vend de la Marie-Dominique ou Marie-Jeanne. Tu sais que le négro n'a pas de limite. Yaï yaï, rien nous sépare. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. C'est pas 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. 1 9 1 9 1 9 1 9 millimètres. Dédicace à mon gars Boudjo, mon négro Rabi, mon cousin Régis de BX, Régis, Carl, Bianca, Titan, yeah, LM, GMG, mon fuck, dédicace à Connex, Mamène Nassim, yeah, je te vois, les gars, dédicace à mon négro Mikey, Alec Lee, we made it. Ben, MTV, l'empereur, Pat le Pim, Adéaba, ma négo. New Jack City à l'instant, extrait l'album de Joe Kateyaba qu'on découvre toute la semaine entre 20 et 21. Procurez-vous le shit, hein. Allez-y. Il est sorti depuis lundi, cet album Ateyaba. Dispo premier, toujours en téléchargement légal, allez-y. Toujours premier. Ou alors avec l'objet, si vous voulez bien l'objet, le CD. Allez-y, vous pouvez le CD récupérer à la Fnac dès demain un peu partout. Est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant? C'est parti, Fred. C'est parti pour le live. Allez, coup d'envoi du live dans Planète Rap avec DJ Azura. Bips. Yeah. Check-moi ça, négro. Je vous présente le plus haut des négros qui existent. Hey miss, j'utilise mon pénis que pour rendre service. Ma belle, tu crois sucer ma bite pour du Chanel? Tu crois la sucer pour un sac de CC? Je préfère le vendre à la girlfriend. Vos couleurs héroïnes, le pire des signes du zodiac, cognac qui coule en ectoline. Voilà le héros, tes rêves érotiques. Je fais fondre ton cerveau avec des armes électroniques. Saute sur ma dick. Tellement de flow, t'en fais des coliques, nègre. J'ai jamais fait, je me défonce pas avec des connasses. Ouais, mes amis, ils savent se shooter. Va chercher un sac. Je me défonce pas avec des connasses. Tous mes négros sont des sauvages. On organise des barbecues sous des fusées en décollage. Je prends comme Zemmour, asperger d'essence. Et tu perds ton briquet. Je suis petit, deux, je suis plein d'or, je suis super soniqué. Ah, motherfucker. Rongez-moi la bite. Joue pas trop ton show, négro. T'es juste en dessous d'une stalactite. Les négros, une boule dans la gorge comme Pollack. Quand je suis au plus bas de ma forme, j'ai les pouvoirs de Goldorak. Pas le même génie, pas le même flow. Pas le même génie, pas le même flow. Pas le même génie, pas le même flow. Pas le même génie, pas le même flow. Pas la même vie, mais t'auras pas le même flow. T'auras bossé sur ma kiké. T'auras pas le même génie. Putain de fils de pute, t'auras pas le même flow. Putain de fils de pute, t'auras pas le même génie. Pas le même génie, pas le même flow. Pas le même génie, pas le même flow. Pas le même génie, pas le même flow. Pas le même génie, pas le même flow. Pas la même vie, mais t'auras pas le même flow. T'auras bossé sur ma kiké. T'auras pas le même génie. T'auras pas le même flow. Putain de fils de pute, t'auras pas le même génie. Pas le même génie. Y'en a qui pensent que c'est la honte d'être un pharaon. Mais je te jure, je me porte bien. Même après 20 tractions. Sur ta tête, je refais des bruitages de films d'action. Je suis plus sombre à chaque son. Contraire Michael Jackson. Je sors le laggy, hold de l'étui. Je sors de Babylone, je détruis toute vie, tout port, tout truche. Dégomme YouTube comme à toute si. Continue et ton miroir sera ton mouroir. Ton salaire sera mon pourboire. Les rappeurs se font tourner, croient faire des tournées. Ces petits blogueurs n'ont pas de goût et se prennent pour des gourmets. Fuck, je vous mets un rose dans la choune. Je trompe vos visages dans de la soude. Hey, pas le même génie, pas le même flow. Pas le même génie, pas le même flow. Pas le même génie, pas le même flow. Pas le même génie, pas le même flow. Pas la même vie, mais pas le même flow. Toi, bouche, c'est ma kiké. Pas le même génie. Putain de fils de pute, pas le même flow. Putain de fils de pute, pas le même génie. Pas le même génie, pas le même flow. Pas le même génie, pas le même flow. Pas le même génie, pas le même flow. Pas le même génie, pas le même flow. Pas la même vie, mais pas le même flow. Toi, bouche, c'est ma kiké. Pas le même génie. Putain de fils de pute, pas le même flow. Putain de fils de pute, pas le même génie. Pas le même génie. Eh, la paillade du bruit, moi, fuck. On enchaîne, négro. Eh, hey, MTP, votre négro est là. C'est quoi les bails? Yeah. On est sur les putains de nerfs, non? Aïe. Tchè, Ateyaba dans les bacs. Yeah. Ok. On demande le respect à personne. MTP connaît la méthode. On peut la coucher pour un petit somme. Deux coucher pour une grosse somme. Ma technique arrive du doublé. Armé, prêt à partir en reggae. Aveuglé par les chiffres en 2D. Gravé sur les billets en revêt. C'est plus que du peur, tu le sais, tu l'admets. Des ennemis, on n'aura jamais assez. Je vais pas me faire chier tout seul au sommet. Donc je prends mon temps pour les effacer. Elles aiment le pognon, elles aiment la vitesse. Gage qu'un texte quand j'ai envie de sexe. Viens me voir si t'as la migraine. Je vais faire semblant de planter la petite graine. On est sur les nerfs. Hein. On est sur les nerfs. Hein. On est sur les nerfs. Yeah. On est sur les nerfs. Right. Ramène ta biche, je la prends au sandwich. Avec le négro qui partage ma tête. Man, elle vient pas de Colombie. Mais cette blanche me massacre la tête. Man, elle me reçoit 7 sur 7. Sors ma hugle, mes têtes sur tête. J'ai une liasse verte, j'ai une ceinture verte. J'ai la peau noire, j'ai une ceinture noire. Alléluia, la concurrence fait engloutir par des trous noirs. J'suis dans un club pas échangé. Ton taille des piles dans les fumoirs. J'vois des cougars dans les couloirs. Tous mes négros sont allumés. T'as pas cette merde, cette boîte du nez. Le loup-garou est ma lunette. On est sur les nerfs. Quoi? On est sur les nerfs. Quoi? On est sur les nerfs. MTP Paris sur les nerfs. Chez MTP sur les nerfs. Ah mon négro bouge, ça dit quoi? Ika ça dit quoi? Yeah. LMG, MG, moi fuck. Dans le putain de building. Yeah, qui peut contrer ça? C'est une nouvelle ère, mon négro. Personne peut contrer ça, négro. Personne, mon frère. Envoie ça, Joe Kizzy. Personne ne peut venir contrer toute cette énergie. Le mojo écaille ton vernis. Hein, j'ai pas des idées bien placées. Me parle plus du passé, je les ai dépassées. Baisse matelassée, fracassée. Perdre ma gel, la bras glacée. Dans le carré, je regarde l'état, ça va passer. Viens pas me faire la bise si t'es pas rasé, bitch. Le game se fait euthanaser. Cette petite prendra cher, c'est touché. Acédique, je tape dans ma loge. Et dans les loges maçonniques. Viens, on quitte cette boîte. On quitte cette boîte. Et ta boîte est encore née. Chérie, je vais m'occuper de cette chatte. Comme Paris de la Morlaix. Quoi? Paris de la Morlaix. Hein? Quoi? On est sur les nerfs. Quoi? On est sur les nerfs. Skyrock est sur les nerfs. Tiens, à tes abats dans les putains de bacs, négro. Procure-toi ça. On est sur les nerfs à l'instant, ça c'est un extrait de l'album qu'on retrouve. Extrait d'Ateyaba. Qu'on retrouve un peu partout à Teyaba avec Joke, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h. Yes. Bibs qui était là aussi en renfort sur ce morceau. Deux gros lives. Bonjour. Le premier était extrait de, bah, des précédents projets, hein. Parce qu'il y en a eu deux qui sont. Ici, extrait de Kyoto. Et il y en a deux qui sont toujours dispo. Il y a Tokyo, il y a Kyoto. Il y a Kyoto et Tokyo. D'ailleurs, la version physique de Tokyo, il y a Kyoto dedans. Donc. Voilà, donc allez-y. N'hésitez pas. Prenez l'intégralité de Joke avec l'album Ateyaba qui est sorti lundi. On va finir avec un morceau. On va balancer Black Card. Black Card avec Pusha T. Pusha T qu'on a passé aussi en début de semaine. C'est ça, on a passé ça lundi. Pour ceux qui ont raté. Et ben, mets ton casque, Omar, ce serait sympa. Voilà. Et on écoute donc ce morceau, la rencontre entre Joke et Pusha T. Ça donne ça. Mes négros sont dans la place comme Rosa Parks. Rosa. J'ai le génie, la taille, la nation de Bonaparte. Nique sa mère, le rap, vive les chats et Black Card. Ils veulent nous voir souffrir comme tous ces bâtards. Mamine et moi, on tape d'arrache-pied. Comme Vania, on veut le million, on fourre en tout cet aspect. Là, j'ai haussé en billet, c'est ce que j'appelle brasser. Marie-toi à la rue, t'auras pas de bague, t'auras le bracelet. Negger, konnichiwa, namaste. Dis merci, j'ai pas de papa, si je peux prendre l'été ou me faire sucer sur ma raste. Rien que ta gueule est full seule. Ma chérie, tu sais que ma hug va pas sucer toute seule. Tu pourras te lever à 7h ou à 5h. L'avenir appartient qu'à un seul négro dans le secteur. Je baisse la fille, la mère, la sœur, cet enculé d'inspecteur. Tu fais le gâteau jusqu'à ce que tu prennes un coup d'extincteur. Nigger, je te baisse devant la glace. Nique sa race, Candyman. Candyman, je te baisse devant la glace. Nique sa race, Candyman. Quand tu baisses devant la glace. Nique sa race, Candyman. No killer, no nigga fucking with the boy. Album of the year, dope dealers jump for joy. Inspired as they paddle shifting in they foreign toys. Listening to the realest nigga making all the noise. My name is my name, Kane is to blame. Slave to the kilo, the chain still remains. Yeah, the good music kingpin. Window of opportunity is really shrinking. Trigger finger steady, let these hollows sink in. You need an army to test them, the fuck what you thinking? Woo! I done seen it all, done it all. Shot with every jeweler, sold a ton of raw. Had the Frank Mueller with the bezel thawed. My double pump days had this all the metal off. Yeah, it's a life of crime. They say it in their raps, but this life is mine. Bouge pas, j'ai ta tête dans la lunette. Rare comme un diamant français qui vient pas du bled. Mes négros peuvent faire toutes sortes de salles pour des euros. Mes négros peuvent faire toutes sortes de salles pour des euros. Bâtard, charbonne pour ma black card. C'est comme ça qu'on chie sur un français, négro. C'est l'argent, le cercle ou le black card. Mes blancs, mes noirs, mes chinois veulent leur black card. Yeah. Le rap du creuse, ça tombe. À mesure que je creuse ma tête, les anciens veulent renaître. Autant que je veux te la mettre. Les copiers font un patron. Renoir, c'est moi le patron. T'as pas besoin d'être Michel-Ange pour que ton cerveau repeigne le plafond. Je me suis levé hier tellement je me suis levé très tôt. Et vu ce que je vous prépare, je crois que je vais devoir me coucher très tard. Je fais glisser ta paire de bras. Je donne la main, ils prennent le bras. Donc je les dois. Et tu connais la suite, mon négro. Tu connais, cochon. Avec Pusha T à l'instant sur ce morceau Black Card, c'est Joke sur Skyrock. Et puis, on va enchaîner là, je pense. Allez, on enchaîne avec un autre titre. On va enchaîner avec Amistad, un truc très très très. Alors celui-ci, il est sur fâché. L'album. Sur la version digitale de l'album. Donc, c'est-à-dire que si on le veut ce soir, il faut aller sur tout de suite. Vous allez cliquer tout de suite. Allez cliquer. C'est une dinguerie pour moi. Ça, c'est les bails de Pogo en concert. Et ben allons-y pour le Pogo maintenant sur Skyrock avec Joke. Amistad, mon nègre. Yeah. Yeah, drop, wow, yo, yo, nique ta mère et trace de temps. Réécrire l'histoire, faire ramasser les traces de sang. Je fais cette monnaie pour ma famille, pour mon mini moi. Si t'as un petit minou, présente-le à mon petit minois. Si c'est pas tard, voudrais toucher ma part, mais non pas les ressources pour. Si c'est vide dans ta tête, si c'est vide dans ta chatte, appelle-moi juste pour. Tout, mes mots sont à méditer. La vérité, tu veux que je partage l'oseille. Nique ta mère, je partage mes idées. Pour faire quelques dos, je suis passé par ci, je suis passé par là. Genre dans des palaces, ma bite et ton cul sont inséparables. Vol en première classe, vol à l'arraché, vol à l'étalage. Le négro doit peser comme des Ashkenaz, comme des séparades. Je la baisais, je m'arrache, tire un coup, deux, je dois m'en débarrasser. Je t'expédie vers le Seigneur si j'ouvre mon enveloppe et qu'il n'y a pas assez. Tous mes négros sont droits, dragués par l'économie parallèle. On vole parce que le molia, c'est que le mot libre commence par un L. Le système n'aime pas trop mon épiderme. Non. Les sirènes, le système n'aime pas trop mon épiderme. Donc on avance sans les lois. On leur chie dessus. On avance sans les lois. On leur chie dessus. Dans les chevilles négros. Dans les chevilles négros. Brr, brr, brr, brr. Dans la tête des négros. La France est venue faire ses courses, nous a mis dans une galère. T'as man, c'est le rap, tu t'es mis dans une galère. T'es un négro, tu fais les bails, tu t'es mis dans une galère. Tout va bien, ton bon salaire, chichi sur ton salaire. Bientôt je suis en couve d'Amina, sur la chaîne Katrina. Trina. Débarque comme Katrina, plus sur les latinas. Tina. Viens, je fais ressortir ton côté animal. Bien. J'enlève ton maquillage, viens tes glandes lacrymales. Tu me tailles sur YouTube, un genou ne te rend visite. Visite. Avale du white spirit, avale mes centilitres. Si t'as 35 ans, t'es souffrant, ta gueule à mon signal. J'suis trop fort parce que dans ma tête, y'a un garçon qui parle. Mon père portait des kérons, ma mère torchait des vieux. Elle m'a élevé seul, le bon Dieu l'a vu de ses yeux. Parle d'elle et on débarque chez toi déguisé. De retour comme McFly, de retour comme les huissiers. Les sirènes, le système n'aime pas trop mon épiderme. Les sirènes, le système n'aime pas trop mon épiderme. Donc on avance sans les lois, on leur chie dessus. On avance sans les lois, on leur chie dessus. Dans les chevilles négros. Dans les chevilles négros. Dans la tête des négros. Dans la tête des négros. La France est venue faire ses courses, nous a mis dans une galère. T'as voulu commencer le rap, tu t'es mis dans une galère. T'es un négro, tu fais les bails, tu t'es mis dans une galère. Tout va bien, ton bon salaire, chichi sur ton salaire. Comme ça qu'on chie sur le rap français, négro. Ouais, la bise, ouais. Joke, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h, et ce morceau donc que vous retrouvez uniquement sur la version digitale. C'est ça, sur iTunes et toutes les autres plateformes de téléchargement. Merci Joke pour cette soirée. Avant de se quitter, avant de rappeler que demain d'ailleurs c'est une soirée Vénus. Demain soirée Vénus, donc les demoiselles sont conviées. Et uniquement les demoiselles, hein, essayez pas les uniquement, mecs. Uniquement, c'est ça. Et vous déguisez pas les mecs aussi. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas, non, c'est pas bien. Donc uniquement les nanas. C'est ça. Donc demain, entre 20h et 21h dans l'émission. C'est ça, on va rester gentleman. Très bien, on sera grande classe demain soir. Pas demain baladeuse. Hein. Non, jamais. Tout sera cool. Ouais. Donc loupez pas demain, 20-21 spécial Vénus. Et là, on fait tourner la roulette, c'est parti. 200 places, Kev Adams s'en exclut. À choper maintenant sur Skyrock. Mathias de Toulouse, salut Mathias. Bonjour Fred. Ça va bien Mathias? Oui, ça va et toi? On t'écoute, tu es prêt à faire tourner la roulette Mathias? T'as un putain de gros stop. Allez, un putain de gros stop comme tu viens de nous dire en direct de Toulouse. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et bah c'est fait, c'est Kev Adams, les places pour la tournée de Kev Adams avec Skyrock, la tournée des Zénith, il y en a 41 de prévues, je crois 41 dates de prévues dans les Zénith. Et bah toi tu y seras Mathias. Ouais, nickel, merci. C'est pour toi, merci. Mon pote. Ciao, passe une bonne soirée. Merci, à vous aussi. Salut, sur Skyrock, Joke revient demain entre 20h et 21h. Merci yes, à vous, demain. Messieurs, merci à Oumar, merci à Bibs qui était là. Merci à toi, Fred. Demain. Demain. Bientôt, avec comme c'est soirée nana, viens. C'est ça, demain c'est soirée. On commence à bien briefer tout le monde, tu vois. Non, donc vendredi, on va se fâcher, il faut dire ça aussi. Vendredi, on va s'énerver. Bon, bah, on profitera déjà celle de demain entre 20 et 21 et puis on verra pour vendredi. Merci à vous tous, on va retrouver D-Fool ainsi que toute l'équipe de la Radio Libre, puisqu'il est déjà l'heure de retrouver la Radio Libre sur Skyrock. Ou pas, ça dépend. 01 53 40 30 20 pour passer en direct à l'antenne. Bon, bah, a priori, ils sont pas là. Ils sont pas là. Momo, tu veux commencer avec l'antenne tout seul, c'est pas grave. Allô? Ah, on est là. Ah là là, quel bordel. Sinon je vous envoyais Momo, il était prêt, il était chaud. Non, bah, t'as dit Momo direct, non, mais c'est bon, t'inquiète, on est connecté là. Je vous envoie Momo, il y a pas de problème, il est chaud. C'est bon. Garde-le. Il peut commencer tout seul, hein. Ouais, bah on va gérer, t'inquiète. Là, on a même D-Fool qui est dans sa voiture. Allô, qu'est-ce qui se passe? Oui, je fais le test du standard pour savoir si vous serez bien accueilli quand vous allez nous appeler ce soir. Est-ce qu'on entend bien? Vous m'entendez bien? Ouais, ça va. Moi, je vous entends bien, ta voix est magnifique, Fredo. Ouais. Je suis devant la radio, il y a les fans de Joe qui l'attendent. Et ben, il va pas tarder à descendre. Eh ben, voilà, les fans de Joe qui sont là. Bon, ben, moi, j'arrive aussi, hein, donc à tout de suite, tout le monde. Et ben, à toutes. Toute l'équipe est là? Ouais, c'est bon. Salut. On est posé. Eh ben, salut à toute l'équipe. Bon, dans 5 minutes, on va démarrer cette grande soirée. Avec quoi on va démarrer ce soir? On voulait démarrer avec quoi? Un petit coup de trompette de Jason Derulo? Allez, go. Allez, un petit coup de trompette. Romano, un coup de trompette. Merci. Trompette. Et puis, vous nous appelez maintenant 01 53 40 30 20 et appli Skyrock 41 759. Et moi, j'arrive tout de suite. À tout de suite. À demain, Fredo. Ciao mon Romano. Ouais. Eh ben ciao. Ciao. Et bonne chance. Ah non, il y a le stage, ouais. Ouais, faut dire Romano, t'as l'air.